Y'a quelqu'un? Resto, connard! À quoi rejoindre? Mais. Pourquoi ils ont tous les yeux fermés ici? Oh. Bonsoir, monsieur. Bonjour, monsieur. Bienvenue, t'es nous, au Dragon d'Ardent. Je voudrais des lasagnes à la bolognaise à emporter, s'il vous plaît. Mais monsieur, nous sommes un râteau ténois, nous ne faisons pas de lasagne. Excuse-moi, petit être, je ne comprends pas ce que tu essaies de dire. Tu essayes peut-être de t'exprimer avec tes mots. Oh, les dolites ont bien, tu le vends combien? Ce n'est pas mon chien, d'ailleurs je cherche mon chien, moi c'est celui-là. L'auriez-vous vu, s'il vous plaît, parce que vous comprenez, j'ai beaucoup de soucis en ce moment. Non, monsieur, on a que des soucis ici, pas de soucis. D'accord, je te comprends, peut-être. Il y a la cuisine, monsieur. C'est trop tard pour vous. Tant pis, il est mort. Ding, ding, ding, ding. Monsieur, sortez dehors, s'il vous plaît. Tout de suite. La vie, c'était mieux avant.